El gâteau squat cousine sur l'écran. Coupe ta TV. Brûle la TV. Coupe ta TV. Je n'allume plus ma télé depuis que j'ai compris que tout est mensonge. Fait pour manipuler la masse en servant comme d'une éponge. Asservi par le fric et le pouvoir qu'il procure, l'invasion médiatique garde toujours un œil sûr. L'audimat et le parti politique qui les contrôle, ça leur ferait mal au cul de nous dire clairement quel est leur rôle. S'agit-il d'informer la masse de ce qui se passe ou de déformer la vérité pour que ça passe, passe, passe. Je contrôle mon espace et dans mon cercle je suis le maître. Faudra t'apprendre à te lever tôt, connard, si tu croyais me la mettre. Sur les ondes et développer mes analyses en me méfiant de l'information et de son lot de bêtises. J'ai compris leur manège et leur intérêt pour l'argent, leurs intentions, leurs rêves, leurs motivations et leurs penchants. Leurs avis je m'en fous et leurs programmes ne m'intéressent pas. Toujours à faire le beau, lécher le cul de l'État. Il faut de la real TV mais ne se soucie pas que la vérité gît à dehors à 100 pas mais ne les attends pas. Qu'est-ce qu'il y a? La misère est bien présente mais ne t'apporte rien utile. L'histoire de vote pour en choper quelques-uns. Je prends les rênes en main et le contrôle de ma vie. Très loin de TF1, de Sarkozy et de ce qui se dit. C'est garanti sans censure et sans récupération. La télé est devenue la première drogue de la nation. Coupe ta TV. TV. Brûle la TV. TV. Coupe ta TV. Trop chaud pour la TV. De le monde, de leur vision et de leurs clichés. Les états membres de l'Union Européenne au taquet. Premier ministre et députés tous bien servis détiennent la vérité et ce qui sort de leur bouche est béni. La mienne est grande ouverte et prête à dénoncer le complot existant, persistant à tous les niveaux. Ils sèment le chaos, le doute dans leur cité. Après cet homme de la réaction des cités. Regardez bien en face votre jeunesse et surtout dites-leur que le système en place n'est plus à la hauteur. Dites-leur que tout n'était qu'à leur destiné à semer la peur. J'ai peur pour mes enfants et la rage envahit mon cœur. Du cœur ils n'en ont pas leurs intérêts. Et son financier, leur voix revue et corrigée et leur message dicté. Pressé pour aboyer sitôt qu'une voiture brûle, mais prête à la fermer quand des milliards circulent. Ils manipulent sans gêne et nous demandent de payer. On sait comment ça finit depuis l'histoire du sang contaminé. Ça crée le téléthon ou des concerts contre la pauvreté, mais gardent le pognon le soir d'élections télévisées. Ils nous culpabilisent mais se gardent bien donner leur part, agissant en enculé de véritables crevards. Je prends part au combat, El Gâteau Squat, renégat, activiste, accompli. Compris, compris. Coupe ta TV, coupe, brûle la TV, coupe, coupe ta TV, coupe, brûle la TV, coupe, coupe ta TV, coupe, brûle la TV, coupe. Tu comprendras aussi pourquoi ma voix te fait l'écho de ces petits bourgeois bobos que l'on enferme dans un château. Ils cherchent la nouvelle tarte qui leur apportera un max. En oubliant, sont déjà là tournant leur voix autour d'un axe. Et si nos thèmes n'obéissent pas à leurs critères, leur format, leur vision terre à terre, leur débat, on s'en bat. On préfère rester libre, garder nos convictions, que devenir la cible et le terrain de consommation. Attention à la récupération médiatique en place. Le public se lasse de toutes ces merdes, hélas. La coupe est pleine et l'écran saturé de talent. Tellement talentueux qu'on les oublie en un an. La gloire devient éphémère et pris dans cet effet de serre. Beaucoup te disent à quoi ça sert et se la mettent à l'envers. Tu saisis la portée du message. Message. Un artiste reste libre. Même en cas, coupe ta TV, coupe ta TV, coupe ta TV, coupe ta TV, brûle la TV, coupe ta TV, brûle la TV, mais ça sert à qui? Mais ça sert à qui?